1. Ils peuvent me freiner, mais pas m'arrêter. Non. 22. Hey. 22, y'a les keufs. Hey. 22, y'a les keufs. Hey. 22, y'a les keufs. 22, 22, y'a les keufs. Hey. 22, y'a les keufs. Hey. 22, y'a les keufs. Hey. 22, y'a les keufs. Belek, belek, y'a les keufs. J'roule dans la ville, tel un prince, mec. Ouais. Fraîchement sapé, j'suis attendu à Barclay. Grosse fusée noire, j'en chromé. Comment tu veux me voir? Les vitres sont teintées. C'est bouché comme d'hab, ras-le-cul. J'ai une bombe aux yeux verts dans la voiture. Au feu rouge, les gens regardent de travers. Choqué de voir une Carrera en Porsche Cayenne. Au passage, traverse une biatch élégante. Elle regarde ma paire de jambes, je regarde sa paire de jambes. Quête le rétro, on dirait les cœurs. Voilà, c'est les cœurs. 22-22, y'a les cœurs. Pas le temps pour un contrôle, j'suis pressé. J'te parie 500 E qui vont encore me faire chier. Girofa, Sirène, ils m'ont déjà contrôlé 4 fois cette semaine. 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, belek belek y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs. 22 y'a les keufs, 22, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, belek belek y'a les keufs. Les flics me collent à la peau comme un tatouage. Ils vont encore me mettre en retard. J'descends de ma bagnole en écrasant ma clope. Il est que 16h mais j't'en foire et pue déjà l'alcool. La fouille est musclée, puis la provocation. Je sais très bien que si je réponds, c'est l'incarcération. J'accuse la BAC de s'acharner sur les Arabes et les Blacks. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas la couleur des minets. J'ai mes papiers sur moi, rien de dangereux sur moi. Ni shit ni arme, monsieur l'agent, vous contrôlez pourquoi? Il me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis ça te regarde pas. Bizarre contrôle, voilà, ça ressemble à un interrogatoire. Je reste zen, c'est ça qui le blesse. Je devrais le verbaliser pour contrôle en état d'ivresse. Ok, il fouille ma voiture gratuit, sans aucun motif. Un noir qui fait des thunes en France, ça c'est un crime. 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, belek belek y'a les keufs. 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, belek belek y'a les keufs. Pourquoi il joue les Robocop, le mec de la PAC, hein? Rien dans la tête, niveau PAC, moins 4. Il peut rien contre moi, je suis intouchable. J'ai dit intouchable, comme Dry et Demon One. Monsieur l'agent, on n'est pas dans la même sphère, hein? Tu distribues des PV, je reçois des gros chèques. Il me demande où je vais, j'en mets de quoi je me mêle, hein? J'ai envie de lui dire, j'ai rendez-vous avec ta mère. Mais je réponds même pas, non. J'ai pas le time. J'ai pas peur des jugements, j'ai un bon avocat. Tu peux me mettre des amendes, et bah je les paye moi. Ce que tu gagnes en un mois, je le claque en un soir. Ils ont rien trouvé, ils sont dégoûtés, dégoûtés. Rester libre, c'est comme ça que je pèse les keufs. Je me casse avec le sourire en démarrage le deuil. 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22 22 y'a les keufs, 22 y'a les keufs, 22